Exercice 4, page 36. A. Un quart. B. Un carré. C. Un carré vert. D. Un carré vert se trouve au centre.